Gardez vos conflits, Manito. Gardez vos conflits avec vos amis. Gardez vos conflits entre les hommes et vous verrez que là où il y a conflit, c'est très difficile de détruire l'attitude qui résoudra le conflit. Chacun veut rester sur sa position. Quelle position? La position des attitudes. Le gars il a sa position, Pierre a sa position. Donc éventuellement, si les positions sont trop rigides, il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre, autrement dit, qui n'est pas capable de briser son attitude avant l'autre, ça débandade. L'alliance est finie. Puis je vais vous dire quelque chose. Où il y a conflit entre deux êtres, celui qui est le plus intelligent, c'est celui qui s'avance le premier pour le réduire, le conflit, puis l'éliminer. Ah, s'il est le plus intelligent, ça veut dire que c'est celui qui est le moins orgueilleux. Parce que laissez-moi vous dire que dans les attitudes, il y en a de l'orgueil. Je vous répète. Je vous le dis d'une façon absolue. Si vous faites de la peine à votre mari ou à votre femme, vous vous faites prendre dans le jeu astral. Vous n'êtes pas dans votre intelligence. Parce que si tu es dans ton intelligence, puis ta femme est dans ton intelligence, puis qu'elle arrive avec une affaire, puis que hop, ça bloque avec toi, sur affaire à ton intelligence va te dire, elle a raison. Ou elle va te faire modifier la situation, ou elle va remplir le vide pour que vous deux, vous puissiez faire la synthèse de ce qui vous manque. L'intelligence unit les hommes et ne divise pas les hommes. Là où les hommes sont divisés, c'est à cause de leurs attitudes. Et plus vous êtes fort en caractère, plus vous avez des têtes de cochon, plus vous avez des chances d'avoir des attitudes. Moins vous êtes fort en caractère, plus vous êtes doux, moins vous avez d'attitudes. Fait que l'affaire des attitudes, c'est extrêmement important de comprendre, surtout pour ceux qui ont du caractère. Des attitudes, ça peut mettre n'importe quelle machine à terre. Des attitudes, ça peut ruiner n'importe quelle alliance dans le travail, dans la famille, n'importe quoi. N'importe quoi. Et quand est-ce que l'alliance est ruinée? Quand il y a une autre option. C'est pas quand que la femme est avec Jean-Paul qui va avoir des problèmes. C'est quand George vient de déménager à côté, qu'elle voit tous les jours, avec ses petites culottes blanches, ses beaux running shoes blancs, puis qu'il joue avec sa raquette de tennis. Il se pratique tout seul. Puis elle regarde à travers la ville, elle dit, maudit, peut-être qu'il aimerait ça jouer avec. L'occasion fait le larron. Fait que vous pouvez être en alliance avec des gens, ça marche pendant des années parce qu'il n'y a pas d'autre option. Un jour, ils vont vous accrocher avec des options. Parce que la vie, c'est faite d'options. Tu peux être Robinson Crusoe avec ta femme, c'est une île. Puis un jour, Chris, il y a un bateau qui va s'échouer, puis il va y en avoir un autre qui va arriver. Ça va faire l'affaire à toi. Il va y avoir une autre option. C'est de même la vie. Fait que si elle a des attitudes, laisse-moi dire qu'elle va rester perché dans les arbres avec des coconut trees. On est constamment testé dans la vie. Pourquoi? On est testé constamment dans la vie pour devenir plus et plus intelligent. Quand tu es intelligent, tu n'es plus testé. Tu n'es plus intéressé à tester. Tu testes plus rien. Parce que quand tu es intelligent, tu ne fonctionnes plus expérimentalement. Mais tant que vous avez à fonctionner expérimentalement, c'est que vous avez de l'intelligence à aller chercher. Puis tant que vous avez de l'intelligence à aller chercher, tant que votre horizon n'est pas clair, vous aurez de l'expérience et vos attitudes serviront à votre expérience. C'est ça que je vous dis. Je donne un exemple graphique. Je prends le cas de l'homme et de la femme. Quand tu fais de la peine à ta femme ou à ton mari, c'est de l'attitude. Un jour, il y aura de l'option. Tu peux avoir ta femme ou ton mari. C'est de même que ça marche, la vie. Alors, pour qu'un homme garde sa femme et qu'il garde son mari quand ils se sont aimés une fois, quand tu t'es aimé une fois, c'est assez. Il faut vous être amené 50 fois. Il y en a qui veulent s'aimer une fois, puis une autre fois, parce qu'ils trouvent que l'autre est plus cute, puis l'autre, ensuite, l'autre est plus cute. Il y en a qui en ont 4, 5, 10, puis 15. C'est une illusion. Quand tu as aimé un homme ou une femme dans ta vie, tu n'as pas besoin d'autre. Parce que l'amour, c'est, ça vient d'où? Ça fait partie de la conscience universelle dans l'art. Mais si c'est maltraité, cette affaire-là, si c'est étouffé, cette affaire-là, à cause des attitudes du système venu du corps astral, c'est évident qu'éventuellement, tu vas avoir besoin d'une autre guidonne parce que tu ne peux pas vivre tout seul. Fait que là, tu vas rationaliser, tu vas dire, ah, ma femme, c'est une ci, c'est une ça, là, je m'en trouve un autre. Mais laisse-moi te dire que dans 3 ans, tu vas avoir une autre option parce qu'elle aussi, elle va s'en trouver un autre. Et ça marche de même. Fait que tu vois le monde aujourd'hui, ils ont des maris, puis ils ont des femmes, puis ils sont rendus qu'ils ont des chums à gauche, puis à droite, puis ça lâche, puis ça reprend, puis ça lâche, puis ça reprend, puis ça lâche, puis ça reprend. Comment est-ce que tu veux fonder une vie même? Pour fonder une vie, il faut que tu puisses fonder une vie en communauté d'esprit avec une personne. Il faut que tu restes un peu avec. C'est long de mettre de l'argent en banque pour acheter une maison. C'est long de mettre de l'argent en banque pour acheter ici. C'est long de mettre de l'argent en banque pour te construire ta vie. Fait que si t'es avec le gars 2 mois de temps, tu dis que t'as pas le temps de construire grand-chose. Alors, les liens entre les hommes et les femmes sont faits par eux autres en haut, mais sont déliés par nous autres en bas, à cause de nos attitudes. Peut-être qu'un jour, dans la nouvelle race, quand vous serez bien mental, là, vous n'êtes pas rendu à ce point-là, rendu bien mental, là, quand vous serez plus astral par tout, à ce moment-là, vous pourrez en avoir 50 femmes, si vous voulez, mais il n'y en a pas une qui le sera. Vous serez tellement mental, ça sera totalement hors-cul, votre affaire, vous n'êtes pas rendu à ce point-là. En attendant, vous êtes mieux de vous mettre sur le côté de l'Église. Les attitudes renforcissent le pouvoir de l'âme sur la terre. Les attitudes renforcissent le pouvoir de l'âme sur l'âme. Les attitudes brouillent l'esprit de l'âme. Les attitudes entraînent de plus en plus l'âme vers la souffrance. Puis la raison pour laquelle il me dit, si vous avez mari et femme, et que vous faites de la peine à votre mari et femme, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre intelligence, ça vous donne une idée jusqu'à quel point on a des crises d'attitude dans notre vie. On est fait de ça. On est tricoté de ça. Quand t'es bien intelligent, il te passe une option, il en passe des options. Quand t'es intelligent, tu l'empêches, cette option-là, de se faire faire, de faire de la peine à ton mari ou à ta femme. Parce que quand tu es intelligent, quand tu es dans l'intelligence, tu descends l'énergie de l'intelligence sur la terre. Pour construire. Savez-vous qu'est-ce qu'ils me disent? C'est une illusion qu'ont tous les hommes de penser que leur femme ou leur mari, c'est la seule personne avec qui ils peuvent être bien. C'est une illusion. Mais c'est celle qui a été choisie pour l'expérience. Il y en a bien des femmes. Il y en a peut-être 500 000 femmes. Il y en a peut-être 500 000 hommes avec qui tu pourrais être bien dans ta vie. Mais il t'en est donné un de toute cette gang-là. Celui qui rapproche le plus la valeur réelle de ton expérience, celui qui convient le plus à ton esprit, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils disent, quand vous en avez un coco, pétez-les, puis bouvez-les là-dedans. Ça n'a pas besoin de tous les autres cocos, c'est tout le même lait, anyway. Tout le même lait. Que ce soit avec une femme, ou avec une autre femme, ou avec une autre femme, ou un homme, ça revient toujours à la même patente. C'est toujours la même patente. Tout le temps. L'amour avec un, puis l'amour avec l'autre, c'est le même amour. C'est l'absence d'amour, puis la détérioration de l'amour qui te fait penser qu'avec l'autre, ça va être encore plus amoureux. Puis, tu te mets bizarre. Regardez les actrices de cinéma qui sont bâties comme des sphinx. Les acteurs qui sont bâties comme des tanks. Ils se séparent tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas. Ils ne fonctionnent pas au niveau de leur esprit. Il fonctionne une fois par semaine. Une belle femme, c'est une belle femme, là, une belle femme. Une belle femme, c'est une belle femme. Qu'est-ce que tu veux dire, Chris? Une belle femme, c'est une belle femme. Puis un beau gars, c'est un beau gars. Il n'y a rien de plus que ça. Mais s'il n'y a pas d'esprit là-dedans, il n'y a plus de différenciation entre deux êtres. Puis c'est l'esprit qui fait la différence entre une belle femme ou un beau gars, ou un gars qui n'est pas aussi beau, puis une femme qui n'est pas aussi belle. L'esprit. L'esprit. Pas le corps. Viens là, le corps. Mais c'est facile de se faire pogner. C'est mortel, là. Et vous pourrez toujours rationaliser vos études. Tout le temps. C'est pour ça que c'est heureux. Parce que vous pouvez toujours les rationaliser. Tout le temps. Puis ils disent que ça va vous rester dans la tête, ça, cette affaire-là. Que quand tu fais de la peine à ton mari ou que tu fais de la peine à ta femme, il n'y en a pas un mot disant vous autres, c'est le loupier. Vous êtes pognés avec pour 100 euros. C'est là que vous allez pouvoir mesurer la distance entre votre intelligence et vos attitudes. Vous n'oublierez pas, je garantis que vous l'avez. Chaque fois que vous allez avoir une petite affaire, ça va se finir en surface. Hop. Ils vont vous connecter à ce que je viens de vous dire. Comme ça, ça va vous permettre de bâtir vos relations sur une base extrêmement solide qui est intelligente. Alors, les attitudes sont un système de veines qui nourrit le corps astral comme nos veines physiques nourrissent le corps. Fait qu'imaginez-vous si c'est important en maudit, les attitudes. Puis on a-tu des veines dans le corps, hein? L'homme doit en arriver à être tellement dans intelligent, être tellement dans son intelligence, qu'il ne vit plus d'attitude. Il n'y en a plus d'attitude. Il ne vit plus. Aussitôt qu'il se produit quelque chose dans sa vie, sa réaction, elle est de l'ordre de son intelligence et non pas de l'ordre de son corps astral, de son émotion. Mais ça, ça se fait pas d'un jour à l'autre. Ça se fait au fur et à mesure qu'on avance et qu'on comprend les mécanismes de notre esprit. Je vais vous donner un exemple, les attitudes. On va prendre lui, là, Pierre. Il y a une belle femme, lui. Belle femme. Burgoyne. Mais il est cute, Burgoyne. Sa femme, elle l'aime bien, il est chanceux. Mais Burgoyne, il est un petit peu il y a un petit peu de jalousie. C'est pas sa petite affaire, parce que ça va bien entre lui et sa femme. Fait que c'est pas sorti, il n'y a pas d'option. Elle ne crée pas d'option. Ils ont une famille, ils ont des enfants, ils sont heureux. Mais tout d'un coup, un jour, quand elle rencontre quelqu'un, ben, elle dit, viens, tu joues au tennis. L'autre, le grand, n'a rien, s'il est intelligent, va dire, vas-y, mon pitou va jouer au tennis, ça te fait du bien. Il ne développe pas d'attitude. S'il ne développe pas d'attitude, la jalousie ne sortira pas au bout. Parce que il y a une sorte de jalousie qui fait partie de l'amour qu'on a pour notre femme. Il n'y a pas un être, il n'y a pas un ego, il n'y a pas un être égoïque, il n'y a pas un petit peu en lui de la jalousie. Parce que, je dis ça, la jalousie dans un grand mot, parce que c'est un grand mot, mais c'est une sorte de possession. Alors que tu aies un sentiment de possession envers ta femme, c'est normal. Mais quand tu es intelligent, puis George, il dit à elle, viens-tu jouer au tennis? Burgoyne, il dit, vas-y, t'en fais du bien, t'aimes ça, le force, c'est un bon sport. Elle va aller jouer au tennis, Puis elle va revenir à la maison, puis elle va y dire, puis elle va y compter qu'elle a eu une belle expérience. Lui, s'il est intelligent, puis qu'il ne développe pas d'attitude, c'est maudit des attitudes. Surtout quand les options sont là. George est cute, sa femme est cute, fait qu'il m'a trouvé la possibilité de l'alchimie, hein. S'il est assez intelligent, il va couper à travers de ça, lui. Il soufflera avant que sa femme joue au tennis. Puis je prends eux autres comme exemple parce que c'est des gens que je respecte énormément, ces deux-là. Quand je respecte des gens, je les prends comme exemple. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser vos relations humaines infectées par des attitudes parce que c'est toujours l'âme qui travaille à diviser, à séparer pour que vous ayez plus d'expérience, plus de souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire, plus d'expérience? Ça veut dire plus de souffrance. Mais on commence à comprendre la psychologie de l'homme. On commence à voir, puis à comprendre, puis à réaliser comment on est manipulé. Comment? La raison pour laquelle il faut très, très bien comprendre le mécanisme des attitudes, parce que quand on l'a compris, ça, quand on a réellement compris ça, là, on est comme vide. On est comme... C'est comme si il n'y a plus de blocage en nous. Là, l'énergie, elle passe. Là, elle passe. Et je fais des attitudes à bloquer. Moi, il y a un Italien dans le Nord qui convoite ma femme. Il est fou de ma femme, il n'y a pas. Un Italien. Ah, il est trop au bout. Il trouve qu'elle a de la classe, il trouve qu'elle est au bout. Ma femme, quand elle voit, il peut rien faire. Il paralyse. Il veut y acheter des drinks, tout là. Ma femme n'est pas folle, elle le sait. Moi, je ne suis pas fou, je le sais. Mais le point n'est pas là. C'est que moi, peut-être l'an prochain, peut-être dans 2 ans, j'aimerais ça investir dans son restaurant. Fait que ma femme, elle rencontre, elle parle, ça fait des liens entre moi et elle, entre lui et elle. De temps en temps, on se rencontre, on jase. Puis quand tu vas voir que ma femme, ses yeux la mettre dans un coin, à ce moment-là, ben l'amitié va continuer à demeurer. Puis c'est tellement fort que dernièrement, il a dit à ma femme, il dit, ton mari, c'est donc un bon gars, hein? Parce que j'ai dit à Noël, j'ai dit, prends soin de ma femme. Je suis occupé. Des fois, je m'en vais en séminaire 3-4 jours. J'ai dit, donne-toi un running bill là, pour que je te paierai à la fin du mois. Puis si elle veut venir prendre un drink puis manger tout seul ou avec d'autres, prends soin de ma femme. Take care of my wife. Il dit à ma femme, dis donc gentil, ton mari. Mais tellement gentil là, qu'un jour, là, le pipi va y tomber parce qu'il ne pourra pas s'imaginer faire de la peine à Bernard. Comprenez-vous, vous voulez? Mais il faut pas d'attitude! Là, si j'ai des attitudes, puis je commence à dire à ma femme, oh, c'est assez, là, le gars, là, wow, wow, wow! Tu sais, c'est pas bon. Là, je donne de la cime à lui. La langue, elle va grandir, puis tout marche! Tandis que là, je coupe sa cime. C'est quelque chose, des attitudes. C'est ça être centrique. Pas égocentrique, centrique. Il y a des gens qui me disent des fois, on dirait que je suis pas capable d'être comme le monde. Il y a du monde, ça sent. Ils sont expansifs, puis ça. Vous êtes-tu? Vous avez des attitudes envers vous-même, parce qu'il y a toutes sortes d'attitudes. Il y a des attitudes envers soi-même, il y a des attitudes envers les autres. C'est la même chose. Une attitude envers soi-même ou une attitude envers les autres, ça revient tout le temps à la même affaire. Alors, il y a des gens qui ont tellement d'attitudes envers eux-mêmes qu'ils se bloquent. Ils se bloquent. L'énergie ne passe plus, ils sont tous renfloués. Là. Il y en a d'autres, c'est des attitudes envers les autres. Ils ne sont pas bloqués, eux autres. Ils sont débloqués complètement. Mais c'est des casse-pieds. Donc, une attitude, que ce soit envers vous ou envers les autres, c'est toujours une attitude. Parce que c'est toujours foncièrement astral. Oui, ma mère n'a pas d'attitude envers elle-même. Envers elle-même, tu dis qu'elle se pense au bout. Mais envers les autres, elle en a. Fait que les autres ne sont pas capables de toffer. Ma tante, elle, c'est le contraire. Elle est bien fine envers les autres, puis envers elle-même, elle a toutes sortes d'attitudes. Fait qu'elle est toute bloquée. Fait que les attitudes, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, c'est jamais bon, parce que ça vous empêche de vivre votre vie et de laisser passer l'énergie parfaitement. Si c'est envers vous-même, c'est encore pire dans un sens, parce que ça vous étouffe vous-même, envers vous-même. Si vous avez des attitudes envers les autres, bien vous, là, vous allez étouffer les autres en vous donnant à vous un faux élan. Ça rend des autres malheureux ou te rendre toi-même malheureux, c'est une perte d'énergie. Fait que dans un cas ou dans l'autre, c'est de la subjectivité. Oui, ma mère, elle rend les autres malheureux, elle ne se rend pas malheureuse. Ma cousine, elle, ou ma tante, elle se rend elle malheureuse, elle ne rend pas les autres malheureux. Dans les deux cas, il y a du malheur. Ce qui est le plus drôle, c'est que dans les deux cas, il se forme de l'isolation. Ma mère, personne ne veut savoir. Personne ne veut rien savoir d'elle parce que elle se casse pied. Tu l'invites dans un party, elle va te péter le party. Ma cousine, elle va s'asseoir dans un coin. Fait que dans les deux cas, il y a une perte d'énergie. C'est bien subtil, l'affaire des attitudes. Et les attitudes qui sont les plus pernicieuses sont celles qui sont liées à la fausse impression que vous avez d'avoir raison. Aussitôt que vous vous donnez raison, vous renforcez en vous une attitude, vous brisez le courant d'intelligence. Vous empêchez la communication. Et l'intelligence est une énergie qui communique, qui lit. Aussitôt que tu penses que tu as raison, tu crées une attitude. Fait que si t'es moyennement fort de caractère et t'as tendance à avoir raison parce que t'as plus de facilité de parole et whatever, tu vas développer des attitudes. Tu vas te rendre malheureux pour rien. Il s'agit pas d'envie d'être bonasse puis d'être bonbon. Il s'agit d'être intelligent. Moi, je suis pas un homme bonasse puis je suis pas un homme bonbon. Seulement, je suis dans l'intelligence. Fait que quand j'ai des relations avec les hommes, avec le monde, je m'organise tout le temps pour que ce soit profitable à eux et à moi. Tout le temps. J'ai fait réparer mon char, peinturer mon char. J'ai pas eu une bonne job. Je l'ai fait repeinturer. La job était un petit peu mieux, mais t'as pas mon goût. Donc j'ai fait des checks pour se doter au gars. Il m'appelle à la maison. C'est ça, les checks post datés. Je ne suis pas une banque, moi. J'ai acheté du matériel, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Ils m'ont coupé. Je n'étais pas capable de parler sa ligne. Fait que je le laisse à parler. Finalement, j'ai dit, je vais te laisser les checks post datés, mais je te paierai les intérêts. Il dit, OK. Il a mordu. Fait que moi, au lieu de il donne un gros montant d'argent pour un service mal rendu. Je donne des petits montants d'argent, mais je donne des intérêts. Fait que lui, je donne quelque chose, puis moi, j'ai ce que je veux. Tu veux pas de ça? Si j'avais eu des études, j'aurais dit, Chris, tu m'as fait une peinture? Ça va pas de la merde? Ah, naturellement, j'aurais pu bien gueuler. J'ai dit, ton chèque, tu l'as, là. T'es payé, là. Bang! J'aurais fermé la ligne. Mais là, ça aurait coupé les liens entre moi et lui. Tout d'un coup, un jour, j'ai besoin du gars-là encore. Tu peux pas couper les portes, tu peux pas fermer de porte. Il faut jamais fermer de porte dans votre vie. Puis c'est les attitudes qui détruisent et qui ferment les portes entre les gens. Tu dois jamais fermer une porte. Quand tu es d'une compagnie, tu te lances la job, tu dois la lâcher bien la job. Si ça demande à ta compagnie que de donner 2 semaines de notice, donne-la ta 2 semaines de notice. Parce qu'un jour, peut-être que tu auras besoin de la petite job. Mais si t'as une attitude, dis-moi, oh, dans le cul peinture, c'est un plein de marde, mon foreman, tu te crisses ton camp. Un jour, peut-être que tu auras besoin de la job. Parce que peut-être qu'un jour, le foreman ne sera pas là, il sera dans une autre compagnie où toi, tu iras travailler. C'est style un enfant chien, la vie. Fait que quand t'as pas d'attitude, tu fermes pas de pas. Jamais pas. Il y a toujours un équilibre, Je t'ai pas formé à la porte du garage. Je peux y aller demain matin. Il y a son intérêt, il est content. Et on a l'habitude de fermer des portes. On les claque. Les portes. Puis on est content de les claquer. Pour claquer une porte, il faut être bien sûr de jamais revenir. J'en claque des portes, moi, des fois. Et quand j'ai claque intelligemment les portes. Mais sinon, ça c'est un choc. Ça. Tu claques la porte, paf! Mais quand t'es pas sûr de claquer une porte, claque-la pas la porte. Il y en a qui claquent des portes et la porte leur tombe dessus le nez. C'est très difficile à discerner chez soi-même les attitudes. Très difficile. Très difficile. C'est quasiment invisible, les attitudes. Puis je vais vous donner un point de référence. Là où il y a conflit dans vos vies, il y aura des attitudes manifestées. Là où il y a conflit dans vos vies, il y aura manifestation d'attitudes. Que ce soit en conflit avec l'Église, conflit avec le gouvernement, conflit avec le boss, conflit avec la banque, conflit avec le mari, il y aura une attitude. Parce que l'attitude, c'est le mécanisme, c'est l'outil qui crée les conflits. Puis des fois, les attitudes sont enrobées de chocolat. On appelle ça des principes. Tout va. Fait que la vieille génération, ils en ont mangé du chocolat. Les jeunes, ils en ont pas assez mangé. Faut le juste milieu, c'est l'intelligent. Les principes sont des attitudes enrobées de chocolat. C'est étampé dessus. Moraliste, moralisant, sanctionné par la loi, sanctionné par la société. Équitable, ainsi de suite. Toutes des vertus collectives, sociales, énoncées par la philosophie. Par la morale sociale. Les attitudes sont les forces dans l'homme qui le rendent malheureux. Ou faussement, faussement juste envers lui-même. Ah. Et les deux viennent ensemble. Parce que dans une attitude, on devient malheureux. Parce qu'on ne peut pas résoudre le conflit. Puis on se faussement justifie à cause de l'orgueil. Parce que l'attitude, c'est comme un petit bâton comme ça. Il y en a bien des petits bâtons de même, de toutes sortes, là, des veines, là. Puis au bout de chaque bâton, il y a une petite tête. Puis ça s'appelle de l'orgueil. Au bout de chaque petit bâton, là, au bout de chaque petite veine, là, il y a une petite bosse, là. Puis ça, c'est de l'orgueil. Il y a toujours de l'orgueil dans de l'attitude. Tout le temps. Tout le temps. Et qu'est-ce que c'est de l'orgueil? C'est le pouvoir de l'âme sur l'ego. L'orgueil, c'est le contact inconscient entre vous et des personnalités dans le monde astral qui se servent de vous pour leur propre fonction. C'est pour ça que c'est pas l'homme qui est orgueilleux, comme l'homme a toujours pensé. Pas l'homme qui est orgueilleux. Ça n'existe pas l'orgueil dans l'homme. L'orgueil est véhiculé dans l'homme. Par le système de veines qui crée le corps astral. L'orgueil n'est pas de l'homme. L'orgueil vient des mondes et des plans de la mort pour diviser les hommes. C'est impossible à un homme d'être orgueilleux. Ce qui rend un homme orgueilleux, la manifestation de l'orgueil dans l'homme, c'est l'influence astrale sur ses corps. C'est ça qui développe les aptitudes. L'homme est naturellement une machine bio-énergétique. Peu et simple. Ça, c'est difficile à comprendre ça un jour. Un homme, c'est une machine bio-énergétique pure et simple. Tous les aspects psychologiques qui donnent à cette machine bio-énergétique-là un caractère humain, personnalisé, négatif, subjectif, ça vient de ça. Et regardez un enfant quand ça dort, ça a l'air d'un ange. Aussitôt qu'il se réveille, il chante. Quand il dort, les traits se détendent. Autant c'est un petit enfantin le jour, quand il dort, c'est un ange. Les traits, là, il y a des petites mains de même, là. Les roses. Puis ils sentent bon. Toutes les odeurs changent. Toutes les humeurs changent. Les âmes. Où ça que se réveille la figure, ça. Parce que l'astral n'affecte pas son corps physique. Et ce qu'on doit faire le plus attention dans le monde des attitudes, c'est le raisonnement qu'on leur donne. Parce que c'est très difficile pour un ego de ne pas convenir avec ses attitudes, parce que ses attitudes font partie de lui. C'est subtil. Il y en a un qui me dit, ben oui, mais mes attitudes, c'est moi. J'ai dit, c'est pas toi tes attitudes. C'est ton faux, toi, tes attitudes. Il dit, comment ça m'en sortir de mes attitudes? C'est moi, mais je suis ça. J'ai dit, faut que tu comprennes la mécanique. J'ai dit, tu fais de la peine à ta femme. C'est de l'attitude. J'ai dit, as-tu déjà pleuré, ta femme? Non. J'ai dit, tu es capable de pleurer? Il dit, j'aime pas montrer mes sentiments. Mais j'ai dit, ta femme, elle, faut que tu communiques quelque chose. Faut qu'elle sache quelque chose. Faut qu'elle sente quelque chose. Comment tu dirais, mon nounou, je t'aime? Elle a besoin de plus que ça parce que t'es une endurcie, t'es une grosse calotte. Pis c'est là que j'ai expliqué l'affaire. La minute que tu fais de la peine à ta femme, tu fonctionnes dans les attitudes, tu fonctionnes sous le pouvoir des forces astrales. Là, whoop, là, la larme a commencé à sortir sur le coin de l'œil. Juste sur le coin, ici. C'était pas une avalanche, laisse-moi te dire. C'était juste. Le lendemain, il était voir sa femme. Là, il a pleuré. Puis j'avais dit à sa femme, j'ai dit, il faut qu'il pleure. J'ai dit, si on n'arrive pas à pleurer, à sortir le jaune de l'œuf, il est pas prêt. Il faut qu'il pleure. Il est allé en voir, là. Je t'aime. Là, c'est venu du fond de ses culottes. Les culottes du corps astral. Le fond. Il a pleuré. Là, tout s'est rééquilibré. Il avait pété la coquille. Puis lui, il en a des attitudes. C'est un spécialiste. Ça se comprend-tu, ça? Claire. La compréhension des attitudes, c'est comprendre la géométrie et l'organisation de l'ingénierie du corps astral. C'est comprendre la science structurelle du corps astral. Comment ça va, vous autres, vous deux, là-bas? Ouais. Landry et compagnie. Hein? Ça pourrait l'air bien plus que ça! Ça pourrait l'air bien plus que ça, puis bien mieux que ça! Hein? Il n'y a pas de raison que ça aille pas encore mieux que ça! Tout le temps! Tout le temps, c'est le temps! Eh bien, l'important de cette conférence-là, c'est l'attitude. Un homme qui se permet de demeurer dans ses attitudes ne peut pas se permettre d'avoir de l'intelligence, ne peut pas en arriver un jour à être parfaitement heureux sans terre, c'est impossible. Fait que quand même, vous irez voir maître un tel ou gourou un tel ou que vous mangeriez des raisins, ça change rien. Parce que l'homme doit se connaître lui-même, doit comprendre comment il fonctionne. Ils disent là, que le point de référence que je vous ai donné dans cette conversation-là, là, la mesure de l'exactitude, de la perfection de ce que je dis, elle est contenue dans l'expérience graphique que je vous ai dit quand j'ai dit la minute que tu fais de la peine à ta femme, il y a une attitude. La minute que tu fais de la peine à ton mari, il y a une attitude. Puis ils disent, ça, vous ne pouvez pas sortir de ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de le comprendre parce que vous avez encore trop d'attitude pour le comprendre. Mais un jour, vous le comprendrez, ça. Et quand vous le comprendrez, vous serez parfaitement heureux avec votre femme et votre mari. Parfaitement. À ce moment-là, vous voudrez être ensemble tout le temps, le plus possible. Parce que c'est avec lui ou elle que vous auriez la plus grande harmonie possible. Leurs exemples, eux autres, sont extrêmement précis. On prend un petit break, à vous chaud? Continuez. Le monde, il y a des gens qui me posent des questions sur les attitudes. Le monde des attitudes, c'est un monde extrêmement complexe. Puis, à toute attitude, il y a une contre-attitude. Et là où les gens se font piéger par les attitudes, c'est justement là. C'est que, aussitôt qu'il se manifeste une attitude, comme une personne me disait tout à l'heure, comment est-ce que vous m'expliquez ça, vous? Quand quelqu'un fait de la peine, oui. Bon, lui, il a une attitude, puis il fait de la peine parce qu'il ne comprend pas quelque chose. Oui. Puis, toi, ça arrive. Bon, OK. Cette peine-là, alors, pour montrer cette peine-là, toi aussi, tu fais une attitude pour pas qu'il y ait la chance de recommencer. Oui. C'est pas mieux, mais, tu sais. Oui. Alors, c'est pas bon parce que quand vous, quelqu'un vous crée une attitude, quand vous, vous faites de la peine à cause d'une attitude, si vous développez une contre-attitude, à ce moment-là, au lieu de vous servir de votre intelligence créativement, puis de neutraliser son influence sur vous à cause de son attitude, vous allez demeurer dans son champ d'activité, et ça, c'est à cause du fait qu'il y a une insécurité. La création d'une contre-attitude, c'est toujours, provient toujours du mécanisme de l'insécurité. Alors, par exemple, je ne dis pas que c'est votre cas, là, mais par exemple, quelqu'un fait de la peine à une autre personne développe une contre-attitude, pour se protéger contre la peine de l'autre, que l'autre lui fait, parce qu'elle a peur de le perdre. Elle va se protéger contre la peine, parce qu'en se protégeant contre la peine, ça va lui permettre plus tard, demain, après-demain, de renouer les liens, fait qu'elle ne perd pas. Alors, c'est toujours fondé, il y a toujours le mécanisme d'insécurité en arrière. La seule chose qui peut trancher complètement l'attitude, c'est l'intelligence. L'intelligence, ça neutralise les attitudes. Tu peux pas vivre d'attitude quand tu es dans l'intelligence. Il y a une autre personne qui me disait, bon, mais supposons que tu fais quelque chose qui peut créer de la peine à une personne, mais que lui ne montre pas d'attitude, autrement dit, qu'il garde tout en dedans. Bon, à ce moment-là, si tu fais de la peine à quelqu'un, tu devrais être capable de le savoir. Si tu sais que tu fais de la peine à quelqu'un, qu'il garde dans le dedans ou non, c'est à toi d'arrêter de faire de la peine. Parce qu'une personne qui fait de la peine à quelqu'un, elle sait qu'il fait de la peine à quelqu'un. Si l'autre ne réagit pas, puis il ne laisse pas montrer des signes qu'il est en peine, c'est à celui qui fait de la peine à l'autre qui ne montre pas de signes de ne pas en faire. Donc, d'un côté ou d'un autre, ça revient toujours à l'intelligence. Ils disent que le monde des attitudes, c'est infini. Même, j'aimerais ça prendre quelques minutes avec vous autres, là, puis répondre à des questions sur les attitudes que des gens pourraient avoir parce qu'ils les voient de telle façon. Je vais vous répondre à vos questions. Y en a-tu? Bon, OK. S'il n'y en a pas, je vais continuer. L'attitude d'un comportement, l'attitude, c'est le visage du comportement. L'attitude, c'est la couleur du comportement. L'attitude colore le comportement. Le comportement, c'est la mécanique de l'attitude. C'est le rendement de l'attitude. Le comportement, c'est son rendement. C'est sa manifestation à l'attitude. Alors, un poids avec soi dans la communication, où c'est. Ça se voit dans le regard, c'est des fois, tu parles avec quelqu'un, là, puis tu sens quelque chose, mais c'est quoi? Bon, si vous parlez à quelqu'un, puis il n'y a pas de communication, vous sentez qu'il y a une attitude à ce moment-là, vous, si vous êtes suffisamment dans votre intelligence, vous pouvez détruire son attitude. Si vous n'êtes pas suffisamment dans votre intelligence à ce moment-là, vous ne pourrez pas détruire son attitude, la neutraliser. Parce que votre attitude va colorer la sienne, va se déteindre sur la sienne, va amplifier la sienne. Ça veut dire que les deux ont une attitude. Les deux ont une attitude, oui. Être fermé sur soi, c'est le produit, c'est le résultat d'attitudes accumulées au cours des années. Mais quand quelqu'un te fait de la peine à toi, si tu choques une attitude... Non, il y a deux aspects là-dedans. Si quelqu'un vous fait de la peine, c'est parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes émotif. Quand vous êtes centrique, personne ne peut vous faire de peine. Okay? Deuxièmement, c'était quoi votre point? Ah oui, puis quand quelqu'un vous fait de la peine, vous vous choquez, mais à ce moment-là, vous développez une attitude. C'est votre attitude qui vous fait choquer. D'autres questions? Mais l'attitude répond toujours par une attitude. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une... tout le temps. C'est quoi la peine? La peine, c'est l'incapacité à une personne d'être en dehors de ses attitudes. Ce qui vous fait vivre de la peine, là, c'est que vous n'êtes pas capable d'être en dehors des attitudes. Si vous étiez en dehors des attitudes, vous ne seriez pas capable d'être peiné par d'autres personnes. Vous ne pourriez pas souffrir d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en rendre compte de la peine? Quand vous rencontrez, vous faites de la peine, mais la seule chose à faire, c'est d'essayer de suffisamment changer vos attitudes puis en faire. Autrement dit, faire descendre de l'intelligence dans votre conscience. Ça tue automatiquement vos attitudes. C'était petit. Y a-t-il d'autres questions? C'était bien intéressant ce matériel, j'aimais ça. Tant que tu as une réaction à une situation donnée, finalement, parce que tu as une attitude sur le sujet donné. Tout le temps. Tout le temps. Aussitôt que tu réagis à quelque chose, parce que tu as une attitude. Quand tu n'as pas d'attitude, tu ne peux pas réagir à rien. On se prend l'affaire à communiquer avec le juteur de pensée, parce qu'il permet ça de l'intelligence. Mais déjà, ça fait partie du rapport entre l'homme et le juteur de pensée. Que vous communiquiez ou non, c'est sans importance, mais que vous soyez dans l'énergie de votre intelligence, c'est très bien. Quand tu es dans ton intelligence, quand tu fais quelque chose, puis tu sais que c'est ça. Final. L'énergie, elle vient tout, je te le pense. D'autres questions sur les attitudes? Quand tu dis personne, tu peux t'entendre, je suis fini par quelqu'un qui m'a arrivé, puis l'autre qui m'a arrivé dans mes choses. C'est parce qu'ils ont vu la stupidité de leurs attitudes. Quand on voit, ça te demande de changer d'attitude pour s'afficher. À ce moment-là, c'est parce que lui, il a une attitude envers toi. Puis toi, comme il est ton boss, mais tu es obligé automatiquement d'être assez intelligent pour lui donner l'impression que tu changes d'attitude. Sans ça, tu deviens un esclave. Mais il faut que tu sois suffisamment intelligent pour lui donner l'impression. Bon, mais ça, je vais en parler de ça. Ça fait partie des lois d'impression. Quand tu rentres dans ton intelligence, tu comprends instantanément les lois d'impression. En comprenant les lois d'impression, tu es capable de créer des images, des projections, donnant à l'autre l'impression que tu as changé d'attitude. Mais dans le fond, tu n'as pas changé d'attitude, tu as simplement changé de rapport entre toi et lui.